bonjour à tous. Vous êtes sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac Aïdé. Et aujourd'hui, je dis bonjour Josie. Bonjour ma grande, bonjour tout le monde. Voilà, donc on reçoit Monsieur Ronze. Bonjour. De l'association Les Chevaliers de l'Onde. Bonjour Alain qui va nous faire la chronique littéraire. Bonjour. Après, nous avons notre technicien de choc qui va nous laisser tomber, qui s'en va au soleil à la Réunion. Le Vénard. Gilles. Bonjour tout le monde. Tu veux pas nous prendre avec... Et nous avons deux techniciennes en herbe, hein, disons ça. Elles sont en train de se former. Alors, il y a Judith et Charlotte. Bonjour les filles. Voilà. Bonjour Monsieur Ronze. Bonjour. Donc, vous êtes le président. Président des Chevaliers de l'Onde depuis plusieurs années, ça doit faire à peu près 8 ans que je suis président. Et avant, j'étais secrétaire de la même association qui avait 20 ans. Voilà, et cette association, elle a été créée à quelle année ? Ben, l'association a été créée en 1995 suite à de grosses inondations et de gros dégâts causés dans la commune de Le Thor. Et les riverains se sont aperçus qu'une part de ces dégâts était causée par le non-entretien de la rivière, par des embâcles qui perturbaient le cours de l'eau, disons, et les écoulements. Et puis par des digues qui n'avaient jamais été entretenues et qui étaient... du fromage de gruyère à cause des ragondins. Voilà, d'accord. Et depuis, donc, vous êtes intervenu, ça n'est plus arrivé, les inondations ? Mais depuis, il n'y a plus eu d'inondation, parce que tous les ans, on passe, et puis parce qu'on a alerté un peu les pouvoirs publics, le syndicat des sorgues, les mairies, les communautés de communes, afin qu'ils assurent un minimum d'entretien sur la rivière. Et nous, on fait les grosses opérations, mais ce que l'on fait, c'est surtout... lorsqu'on fait une opération, c'est plus de la sensibilisation qu'autre chose. C'est mener le maximum de monde au bord de la rivière pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est que les dépôts de déchets, le non-entretien, tout ça. Bien sûr. Au début, vous étiez combien à peu près quand vous avez créé cette association ? Alors, ça a été un peu, disons, presque exponentiel. La première année, il y avait 10 personnes, c'était le maximum. La deuxième, il y en avait 20. La troisième, il y en avait une soixantaine. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à aujourd'hui. Enfin, depuis 4 ou 5 ans, on est... lorsqu'on fait le nettoyage de la rivière, le nettoyage que l'on fait au mois de juin, il y a environ 1000 adultes et 400 enfants. Et tout ça sont des adhérents ou c'est des gens C'est pas des adhérents, c'est les communes qui adhèrent à l'association. Ah d'accord. On a pris les 16 communes riveraines de la Sorgue, de Fontaine de Vaucluse à Bédaride. Elles adhèrent à notre association, elles nous aident. Et après, c'est les bénévoles de chaque commune qui viennent se joindre à nous. On ne leur demande rien, il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien du tout. Au contraire, on va leur fournir le matériel de nettoyage, on va les inviter à manger au mois de juin. On fait une grande journée il paraît, où ils viennent tous manger à Velleron. Sous les arbres. L'année dernière, il y avait 480 personnes qui sont venues manger avec nous. C'est convivial. Ouais, c'est convivial. C'est convivial, d'autant plus que c'est Michel Messonnier qui prépare le repas. Ah, bah alors c'est plus que convivial. Je me l'étais laissé entendre. Claudie, je crois qu'on va y aller. Mais on va venir. Vous pouvez venir, on vous serait. Mais j'ai pris rendez-vous. Ah, mais je pense qu'on amènera nos enfants aussi, petits-enfants. Ah, non, quand même, au contraire. Voilà, ça nous fait plaisir. Pour leur montrer l'exemple. Tout à fait. Et donc, vous êtes en étroite collaboration avec les autorités de tutelle. Alors, c'est quoi les autorités de tutelle ? Alors, les autorités de tutelle, bon, c'est déjà le conseil général, l'ex-conseil général. Le conseil régional, c'est les communautés de communes. Nous, pour le moment, on a les sorgues du Comtat, on a la Cove, on a la communauté des pays de Vaucluse, des monts de Vaucluse et pays des sorgues, et on a le Grand Avignon. Oui. Oh ben vous êtes bien quand même, vous avez fait le tour là. Toutes les communes appartiennent à une de ces communautés. Et c'est eux qui, lorsqu'on leur présente ce que l'on fait, tout ça, on leur demande aussi de nous aider, parce que toutes les années, quand vous avez 1000 ou 1400 personnes, vous êtes obligé de leur fournir des gants de sécurité pour ramasser les immondices, des outils, parce que bon, on ne peut pas faire n'importe quoi aussi avec les mains. Puis c'est eux qui nous aident à acheter tout ça, et en même temps, bah, ils nous aident un petit peu à payer ce fameux repas là que l'on fait. Le repas, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. On va faire une petite pause et puis on se retrouve tout à l'heure. Fly FM, le meilleur des lignes, au cœur des années 80. FM 89.9 avec Monsieur Ronce des Chevaliers de l'Ombre, qui est une association qui a été créée il y a à peu près une huitaine d'années. Hein. Non, vous êtes président depuis 8 ans et elle est créée depuis 4. Voilà, 1995. Voilà, depuis 1995. Donc, on revient sur la discussion qu'on était en train de parler tout à l'heure. Je vous avais demandé combien il y avait de participants. Et dans les participants, il y a 1000 adultes à peu près et 400 enfants. Voilà, 1000 adultes, 400 enfants. Et vous avez à peu près 25 entreprises qui viennent bénévolement ce jour-là nous aider avec du gros matériel, des tractopelles, des pelles mécaniques, des camions. Et tous les boîtes de travaux publics de la région viennent dans leur commune et donnent une matinée de leur temps pour nettoyer la rivière. Et c'est au mois de juin, je crois. Alors, c'est le... Jusqu'à présent, c'était le premier dimanche de juin, le premier samedi de juin, mais cette année, parce qu'il y a des élections, parce qu'il y a un tas de choses qui nous perturbent, disons, on va faire le deuxième samedi de juin. D'accord. Et toute la journée de... Non, on fait ça le matin, on attaque à 7h du matin, oui, et ça finit vers les 15-16h à peu près. D'accord. Voilà. Et après, c'est là qu'il y a le pique-nique ou... Ben oui. C'est ce jour-là, on invite tous les participants à venir partager avec nous. Alors c'est un repas assez convivial, c'est des plats classiques, c'est pas de la grande cuisine, malgré que ça soit un grand chef qui la fasse. C'est Michel Messonnier qui vient bénévolement nous faire la cuisine, et on va faire pour le mieux avec les artisans locaux, c'est-à-dire c'est les établissements filières qui nous fournissent la viande, c'est le traiteur Meffre qui met à disposition ses cuisines pour préparer le repas, il nous prête du matériel aussi, des camions frigos, parce qu'on ne peut plus faire comme on faisait avant, on préparait un repas sur le pouce dans un coin d'un champ, sinon on risquerait d'avoir des problèmes bactériologiques. Et alors là, on aurait vraiment des ennuis. Donc on se met dans les meilleures conditions possibles pour faire manger tout le monde. Donc ces enfants, là, je reviens sur les 400 enfants, oui. Est-ce que ce sont les écoles ou, bon, je pense qu'il y en a qui sont accompagnés de leurs parents. Ça, c'est une bonne action déjà, je pense, pour leur montrer l'exemple. Et est-ce qu'il y a des écoles qui sont là ou pas? Les écoles, on le fait en dehors de cette journée, parce que le samedi, il n'y a pratiquement plus d'école, nulle part. Donc ça ne les intéresse pas tellement de venir. Et par contre, les parents viennent avec leurs enfants. Tous les parents ont... Minimum, parents, grands-parents, ils ont toujours un petit enfant à mener avec nous. Et ça, très jeune, vous avez des 4-5 ans qui viennent et qui vont ramasser. Alors on les équipe avec des gants qui sont aussi grands qu'eux. On leur donne un grand sac poubelle, une pince pour attraper les papiers qui traînent. Et on leur fait faire, on les met sur des parcours spéciaux, hein, où il n'y a pas de risque, il n'y a pas tellement d'eau. Tout ce qu'ils risquent, c'est de se mouiller les pieds et les fesses. Mais ils craignent pas grand-chose. Donc on essaie de bien les encadrer et de leur faire des travaux, disons, à leur niveau, quoi. Voilà. Et je crois que les chevaliers donnent un coup de pouce à une association qui s'appelle ADVSEA. Voilà. Et l'association de défense vauclusienne et de sauvegarde de l'enfant et de l'adulte. C'est une association qui a sa base à Avignon et à Cavaillon, et qui œuvre dans toutes les communes du département, là, qui récupère des enfants un peu en errance qui n'ont aucune formation, qui sont sortis du système scolaire très tôt, et on essaie de leur donner le goût à quelque chose, à un travail, pour, disons, les réinsérer. Alors on a fait un rucher école, on a commencé par un rucher école, parce que c'était assez simple. Et sur on n'a pas des gros groupes, on a des groupes de 5, 6 élèves, 6 jeunes, pas plus. Et sur les 5, 6, si on arrive à sauver la moitié, c'est déjà pas mal. Une bonne performance. On va faire une petite pause et on reprendra sur ces jeunes. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Vamos! ¡A ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sino vos. Voilà, revenu sur Fly FM avec l'émission Ricabrac Aïdé, Fly FM 89.9. Et nous recevons Monsieur Ronde de l'association Les Chevaliers de l'Onde. Et qui ce monsieur travaille, enfin, aide des jeunes qui font partie d'une association qui s'appelle ADVSEA, qui est l'association, une association sur les enfants déscolarisés. Qu'ils ont quel âge à peu près, ces enfants? Bien, ils ont entre 12 et 20 ans. Ah oui, il y a des enfants, des adultes. 20 ans, oui, 12 ans. Bon, voilà. Là. Et ces enfants, qu'est-ce qu'ils font comme activité pour justement pour s'occuper, pour leur apprendre des choses? Alors jusqu'à présent, il y a des animateurs qui appartiennent à l'association, là, qui n'est pas au chevalier, à la DVSEA. Il y a des animateurs qui s'occupent d'eux, qui les encadrent, qui essaient de leur donner un peu, de leur inculquer des règles de vie correctes. Et moi, un jour, ils sont venus me trouver en me disant, est-ce qu'on pourrait venir vous aider à nettoyer la rivière? J'ai dit oui, mais bon, j'ai dit, c'est pas un métier d'avenir, ça. Hein. Puis c'est ponctuel, oui. Voilà. Alors du coup, je leur ai proposé, je leur ai dit, mais si on faisait d'autres choses, type un rucher, c'est-à-dire fabriquer des ruches, récupérer des essaims, et ensuite entretenir ces ruches et faire du miel. Et puis le miel, bon, moi au départ, j'avais dit, on va le vendre, vous partagerez l'argent. Mais bon, comme c'est une association d'insertion, ils n'ont pas le droit de vendre. Donc, on a fait du miel, et ce miel, on l'a remis à une autre association qui s'occupe de rapatrier des enfants malades de l'étranger pour les faire, pour les opérer en France. Et ils ont besoin d'énormément de moyens. Donc, on leur a dit, eh ben, écoutez, nous, on peut vous offrir 85 kilos de miel à 7 euros le kilo. Voilà ce qu'on vous offre. On vous le donne. Et les gamins étaient d'accord, étaient tous d'accord. Et parmi ces gamins, il y en a quelques-uns qui ont pris goût à l'apiculture. Donc, on va essayer de les insérer dans des formations à Serres, au lycée de Serres, où il y a une section apiculture. Et avec ça, on va voir, en espérant leur donner le goût de l'apiculture et qu'à la suite, ils puissent s'installer à leur compte. Oui. Voilà. Et je crois aussi, vous avez des jardins d'initiation. Alors, en parallèle, puisque c'est des petits groupes, alors là, sur l'apiculture, vous avez deux groupes de cinq, ça fait pas beaucoup de monde par rapport à la misère, disons. Donc, les autres, on leur a proposé de faire du jardinage. Quelque chose de simple, qui soit accessible à tous. On a récupéré un jeune jardinier qui fait du bio là, sur la région, et qui les forme, qui leur apprend ce que c'est que le jardinage. Moi, j'ai récupéré des terrains qui étaient en friche. Je suis allé voir les propriétaires, et on a fait un contrat, une espèce de bail à 5 ans, où ils me prêtent le terrain. Nous, on va faire nos cultures dessus. Alors, ils ont commencé. L'association, par contre, des chevaliers est intervenue pour préparer ces terrains, parce que c'était des terrains qui étaient en friche depuis de nombreuses années. Il y avait du travail. Voilà. Alors, nous, on a débroussaillé, on a labouré, on a fait tout ce qu'il fallait pour leur donner des terrains, disons, convenables. Et eux ont commencé à planter. Et la semaine dernière, ils ont planté de l'ail, de l'oignon, des échalotes et des légumes d'hiver, des épinards, des poireaux, tout ça. Et en espérant que ça va marcher. Et ces légumes, après, ils en font quoi? Et on va faire un peu la même structure qu'une AMAP, c'est-à-dire que vous pourrez vous inscrire, hein, et toutes les semaines, vous aurez un panier de légumes. Ah, voilà. C'est sympa, ça. Voilà. On va faire une petite pause et on continue. Vous nous direz à la fin de l'heure, là, le téléphone pour s'inscrire ou pour la livraison, si c'est mis en place ou pas. Ben pour le moment, ça sera le mien, quoi. D'accord. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed. I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad. But I don't think they really understood when I said that I wanted to deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said, rebonjour sur Fly FM 89.9 avec Monsieur Ronce du Chevalier de Londres. Alors, entre autres, nettoyer la sorgue, c'est une chose, mais je crois que vous avez aussi, vous avez d'autres activités, entre autres des conférences. On a un tas d'autres activités. La première, c'est d'aller dans les écoles et les lycées pour... Disons, c'est pas tellement des conférences, c'est surtout de l'initiation à l'environnement que l'on fait. On explique aux gens la nature, les rivières, la faune, la flore. On leur explique la durée de vie des déchets dans la nature, lorsqu'on les jette dans la nature. Les pollutions, les types de pollution. C'est assez varié et il y a toujours un thème qui est raccroché à l'eau. Puis, à côté de cela, ça, alors c'est un peu une passion personnelle, c'est de faire des conférences et d'aller auprès des adultes, leur expliquer quelque chose. Là, on a une conférence sur les gélatines, la gélatine alimentaire, la gélatine pharmaceutique. Après, j'ai une conférence que j'ai faite sur le chasselas, sur le thor, capitale mondiale du chasselas. C'était dans les années d'après la guerre, où le thor avait une très grosse activité, qui avait supplanté, disons, à la fin de la garance, qui avait redonné un coup de fouet à l'activité du thor et à ses ressources surtout. Et puis là, on est en train d'en préparer d'autres, de conférences. J'en prépare une qui va être très intéressante et qui attirera sûrement beaucoup de monde, qui est sur la sorgue, la réglementation, la pêche sur la sorgue, et en plus le braconnage à travers les siècles. Ah oui, le braconnage, ça existe toujours ? Ben, ça existe, ça n'a plus les mêmes formes. Disons que maintenant, c'est plutôt... Il y a 300 ans en arrière, un braconnier, il braconnait pour se nourrir. Mmh, oui, bien sûr. Hein, c'était pas un commerce illicite, c'était... C'était pour survivre, oui. Voilà, c'était pour survivre. Maintenant, celui qui braconne, bon, c'est un malotru, oui, je veux dire. Oui, parce que... Il s'attaque à la nature, il a aucun scrupule. Donc, il respecte rien, oui. Il y a eu une évolution des braconniers. Les premiers, on ne pouvait pas les appeler braconniers. D'abord, lorsque vous prenez l'étymologie du mot braconnier, le braconnier, c'était une espèce de piqueur dans la hiérarchie des chasses à cours. C'était lui qui menait les braques. Les chiens du seigneur. Mmh. Donc, ça avait aucun rapport avec le vrai braconnier, quoi, mmh. Qui fait des actions bizarres. Mmh. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les sorgues comme poisson ? Alors, comme poisson, les sorgues, je vous disais tout à l'heure, elles sont divisées en trois secteurs. Vous avez la sorgue à Mont, de Fontaine de Vaucluse jusqu'à Isle-sur-Sorgue. Alors là, la population, majoritairement, c'est des salmonidés. C'est de la truite. Saumonée. C'est de saumonée. Fario. Mmh. Oui. Et de l'ombre commun. L'ombre commun, c'est un poisson très fin, un salmonidé très fin, qui est un indicateur de la qualité de l'eau d'une rivière. Donc l'eau est propre à cet endroit. À cet endroit, on juge que l'eau est propre. Mmh. Ensuite, vous avez la deuxième partie, la sorgue médiane, qu'on appelle, qui part d'Isle-sur-Sorgue et qui descend pratiquement jusqu'à l'entrée, à la bordure d'Entraigue, quoi, à la route... Au niveau de la voie rapide. Puis en dessous, vous avez la deuxième catégorie. Alors, dans la sorgue médiane, vous trouvez un petit peu toutes les espèces, celles que vous avez eues en première catégorie, sauf l'ombre qui est en nette régression. Mais vous allez commencer à trouver les espèces qui ont besoin d'eau légèrement plus chaude et moins oxygénée que les eaux du haut de la sorgue. Donc vous allez trouver du brochet, vous allez trouver de la carpe, du blageon, toutes ces... d'autres espèces de poissons qui ne sont pas dits nobles comme la truite. Puis après, lorsque vous êtes en bas sur la sorgue aval, entre Entraigue et Bédaride, alors là, vous avez du carnassier, priorité brochet, un peu de cendre, et beaucoup de poissons blancs. Voilà. Mais il n'y a plus de truites, c'est fini. Ah, les truites, elles ne sont que de passage. Hein. Quand vous sert une truite au restaurant, une truite. C'est une truite d'élevage, vous n'allez pas vous en faire. On va faire une pause, je pense. Voilà, et on reprend et on dira l'actualité à venir. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Cavalier sans tête, est-ce que tu crois qu'il nous voit? J'ai les pieds qui s'enfoncent toujours dans la panade, les jambes qui tremblent, mon cœur bat la chamade. Ralentis, c'est la vie. La la la, la la la, la la. Deux pieds sur un fil. Moi, j'en ai lu des poèmes, des fables et des serments. Des combien je t'aime et puis combien tu prends. Tout ce vent, tout ce vent. Oui, tout ce vent, c'est la vie. Des pas de fourmis, des lumières qu'on prend pour un ovni. C'est juste un oubli. Pour le meilleur, pour le pire, juré pour la vie. Y'a moins de risques à se dire oui pour la nuit. Et moi, j'ai dit oui. FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac-à-Idée. Là, nous quittons par un petit moment Monsieur Ronze. Et Alain va nous parler de son livre, celui qu'il a aimé le dernier. Enfin, pas alors, le dernier, il en aura d'autres. Donc le dernier, c'est un roman historique, c'est Lamentation de Christopher John Sanson aux éditions Bellefond. Alors c'est le sixième livre des aventures de Matthew Shardlake, un avocat bossu qui est au service du roi Henri VIII d'Angleterre. Les aventures ont commencé avec dissolution, c'est-à-dire au moment où, excommunié par le pape, le roi décide de dissoudre toutes les congrégations religieuses, et c'est tout le règne d'Henri VIII qui est dépeint au long de ses romans. Donc ce sixième ouvrage débute donc en 1546 à Londres, le roi est sur sa fin, et dans l'espoir de recommander son âme à Dieu, il tente un ultime rapprochement avec les catholiques. La chasse aux hérétiques protestants est ouverte, et les bûchers fleurissent partout. C'est dans cette ambiance délétère que Matthew est convoqué par la reine Catherine. Celle-ci, fervente protestante, a eu la mauvaise idée de confier ses pensées dans un journal intime baptisé Lamentation. Et ce livre a disparu. Matthew est chargé de retrouver ce livre qui, s'il tombait entre les mains des conseillers du roi, prouverait l'hérésie de la reine et provoquerait, en plus de la colère de son époux, sa disgrâce et celle de sa famille. Hélas, des feuillets ont été retrouvés chez un imprimeur protestant récemment assassiné. Que sont devenues les autres pages? Le livre a-t-il été publié? Encore une fois, Matthew va risquer sa vie et celle de ses proches pour le service de sa souveraine. Donc, je vous rappelle, c'est Lamentation de Christopher John Sanson aux éditions Bellefond. Voilà, c'est très, très... Peut faut aimer l'histoire, mais c'est des thrillers quand même. Oui. Hein. Ce qui est intéressant dans ces récits, c'est que en prenant un thème quasiment policier, c'est quand même une peinture de l'Angleterre d'une certaine époque, et c'est une peinture très documentée. Donc tout au fil du règne de Henri VIII, on suit cet avocat bossu qui a toujours des aventures bizarres, mais je dirais quand même on suit vraiment l'épopée du règne de Henri VIII, qui là, je dirais, c'est le dernier bouquin, il finit, il meurt en janvier 1547. Donc, alors, y aura-t-il une suite avec Élisabeth Ière d'Angleterre? Je me posais la question. Non, mais c'est passionnant, c'est vrai. Ah oui, c'est passionnant. Tu nous parles d'un film comme tu veux, alors si tu as quelque chose lié à l'histoire, non? C'est pas. Alors moi, je vais vous parler d'un film qui est sorti ce mercredi là, qui s'appelle Le Petit Locataire. C'est un film de Nadège Loiseau avec Karine Viard, Philippe Rebaud et Hélène Vincent. Donc c'est un film français. Dans la famille Payan, il y a je demande la mère, la grand-mère, la fille ou la petite fille. Tout le monde vit sous le même toit de cette famille désorganisée et bohème. Et voilà que Nicole, qui a 50 ans, elle tombe enceinte. Elle travaille dans un péage autoroutier et bon, elle est fatiguée, donc cette personne, et pourtant elle est indispensable à la cohésion de la famille autant qu'à la bonne marche de ce film, puisque c'est voilà, c'est sa vie, c'est sa vie. Ça, oui, c'est d'ailleurs, c'est oui, c'est celui qui a, celle qui a écrit, qui a fait le film. Elle a vécu cette période-là, elle était enceinte à 50 ans, donc c'est pour ça. Et donc elle a un mari qui s'appelle Jean-Pierre, qui est aussi champion de gymnastique et se laisse aller dans le chômage de longue durée. Emma Millette, la mère de Nicole, qui est aussi est malade, celle-là, là, un Québécois qui s'occupe d'elle. Comment ? Dans quel sens ? Oh, bah, écoute, je ne sais pas, il fait des soins à domicile. Donc tout ça, et la mère est jouée par Hélène Vincent, qui est méconnaissable, et qui a été Madame Duquesnoy dans le film La vie est un long fleuve tranquille. Bah, c'est une bonne comédienne, hein, pour le voilà. reconnaître. Enfin, Karine aussi. Hein? Oui, et puis le monsieur, là, on l'a déjà vu, je ne sais plus dans quoi, la télé, là. Comédien. Oui, le comédien. Donc, puis Ariel, la fille qui est totalement immature et qui a aussi une fille qui a 6 ans, qui est une gamine vive et délurée. D'ailleurs, apparemment, elle fait une belle prestation dans ce film et on dit que ce serait peut-être une bonne actrice dans le futur aussi. Et tout le monde vit sous ce toit-là. Ce film traite en filigrane des sujets sérieux et dramatiques avec une vraie tendresse qui est aussi la vieillesse, le chômage, le déclassement social. C'est une famille dysfonctionnelle et sympathique. Et on s'interroge de la place en général et surtout bon, de la grossesse à 50 ans. Tu vois, tu as de l'espoir. Non, ça va, c'est bon, j'ai donné là-dedans. Voilà, donc c'est un film drôle, pétillant, avec, je pense, une Hélène, comment ça s'appelle, Hélène Vincent, qui est pas mal. Bon, et Karine Viard aussi. Aussi. On fait une petite pause. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Fly FM. Fly FM, Claudie, bonjour. Rebonjour. Bonjour, oui. Ne nous oublions pas. Et paf, c'est du direct. Hein. C'est ça. Tu dois nous parler, je crois, du théâtre du Sablier. Oui, Non, d'abord, je vais dire que les livres que Alain a présenté le dernier, il y en a 6. Ils peuvent se lire indépendamment. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le début. Mais enfin, je trouve que c'est mieux, mais c'est possible. Et juste un truc, le petit locataire, moi, pour mon fils, c'est, bébé. C'est le bébé. Hein. On n'oublie pas. Voilà, oui, je voulais vous parler du Théâtre du Sablier, avec lequel on est partenaire. Le Théâtre du Sablier donne une pièce de théâtre, La Nuit, juste avant les forêts. C'est un seul comédien en scène, un soliloque. Une ville, la nuit, il pleut. Un des plus beaux textes de Bernard-Marie Coltès. Alors moi, je suis allée chercher qui c'était Bernard-Marie Coltès. Ben, figurez-vous que c'est un monsieur, il est décédé en 89, et c'est quelqu'un de très très connu, surtout à l'étranger. C'était un grand auteur. Tu vois, je ne connaissais pas du tout. Moi non plus. Et donc, cette pièce, elle se joue le vendredi et le samedi, donc vendredi 18 et samedi 19, à 20h. C'est au Théâtre du Sablier à Orange. C'est 37 cours Aristide Briand à Orange, donc. Et vous pouvez retenir les places 04 90 51 51 05 94. Mais nous en avons deux à gagner. Alors, si vous voulez appeler cet après-midi au 04 90 40 16 90, vous donnez votre nom et votre numéro de téléphone. Et donc, vous faites gagner deux places pour ce spectacle. Voilà. Bon. Moi, Claudie, pas faire de concurrence, il y en a pour tout le monde, en sachant que aussi, il y a une pièce du théâtre à Sérignan-du-Comtat, la salle de la Garance, c'est Mémé Casse-Bonbon. C'est un truc d'humour, c'est fort de son succès en novembre 2015. Anne Cangelosi, alias Mémé Casse-Bonbon, revient dans le cadre des coups d'humour de la Garance ce vendredi 18 novembre à 21h avec. Petit arrangement aussi avec La Vie et le deuxième opus. On n'achève pas les vieux. Le samedi 19 novembre 2016 à 21h aussi, vous avez ça. Vous pouvez donc appeler au 06 82 66 76 10 ou alors sur le site www.lescoups.com. Alors moi, je vais faire une petite remarque. Je pense que les deux pièces, c'est pas du tout le même genre. Non, là c'est de l'humour. et l'autre, ça doit être c'est assez plombé. Bon, on peut dire. Hein. Mais bon, le texte est magnifique. C'est un très grand auteur. Bonbon, je pense. Oui, c'est pas du tout pareil. On n'achète pas les vieux. Ça doit être de l'humour. Du l'humour noir. Bon, moi je vous amène au Banc des Truffes. Bon, vous connaissez Riche-Orange, bien sûr, c'est la capitale des truffes. Hein. Alors l'enclave des papes, c'est le Banc des Truffes. C'est l'ouverture du marché. C'est le plus important marché des truffes noires en France. Eh oui, le Vaucluse quand même. Tout le temps il parle du Périgord, mais moi ça m'énerve. On est les meilleurs. On est les meilleurs quand même. Vous avez aussi le marché aussi de truffes à Carpentras. Oui, mais bon, là je parle de Riche-Orange. Oui, je sais, c'est la journée. C'est l'occasion de savourer les premières truffes de la saison au programme. Ouverture en habit d'apparat, hein, c'est par la confrérie du diamant noir. Donc c'est la confrérie du diamant noir et de la gastronomie. Il y a cavage des truffes. Alors est-ce que vous savez ce que c'est le cavage des truffes? Oui, c'est les chiens qui cherchent. Très bien, bravo, 20 sur 20. Avec des chiens truffiers, dégustation. Ou des cochons, hein, des fois. Des quoi? Des cochons, ouais, c'est des vrai. Mouches. Ou alors j'ai mon petit-fils aussi, il est assez doué. Sérieux? Oui, c'est vrai. L'année dernière, nous a trouvé des truffes. Je crois qu'on va le dresser. Alors, il y a conférence et menu banc des truffes. Voilà. Alors, les principes. Donc, le cavage, c'est un sport canin. Donc, tu le sais, ou cochonné, comme on peut dire, porcel. Et vous pouvez profiter de cette journée pour visiter librement la commanderie des Templiers de Riche-Orange. Alors, le numéro, c'est 04 90 35 04 71. 04 90 35 04 71. Ah ben moi, j'y suis jamais allée. Bon, on va continuer après la pause. Bravo. J'ai bien dit. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des livres. Tout de suite. Plongez au cœur de plus de 40 minutes de hits sans pub. Je veux du bonheur. Je veux de la joie. Qu'on m'éclate le cœur. Alléluia. Prends ma main, je t'emmène. cœur résonne au fond de moi. Peut-être un peu voleur pour ne pas être proie. Prends ma main, je t'emmène. Je connais un sentier. Il se monte sans peine et sans souliers. Dis-toi qu'il fait beau et que le temps est aussi chaud qu'hier. Ouais, dis-toi qu'il fait chaud et qu'on fera la peau à l'hiver. Oh non. Danse comme si personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'entendait. Souris à la vie comme si elle te souriait. Oui, vas-y, danse comme si personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'entendait. Souris à la vie comme si elle te souriait. Je veux voir mes parents longtemps. Pourquoi pas leur parler encore 1000 ans. Je veux voir pousser les fleurs et mes enfants croiser l'amour à tous les carrefours. Me baigner dans des rivières de prière, ouais. Être béni des grands. Je veux de la joie, de l'amour, de la bonne humeur, ouais. Je veux du bonheur. Et voilà un petit Pierrick qui passe en faisant le pitre. Bon, rebonjour sur Play FM 89.9, coucou. Oh, mais c'est habituel hein, chez lui, c'est quand il est sérieux que ça choque. On était dans les truffes, on est dans le nettoyage des rivières, hein, sachant que ben, aussi on peut planter des arbres chez. Et c'est ce qui va se passer, Alten et pas lui, plutôt que de planter un arbre truffier. Hein, je précise, Claudie, qu'on était tout à l'heure sur Riche Orange. Alten et pas lui organise un grand tirage au profit des administrés, locataires et propriétaires. En sachant que le 25 novembre, à la Sainte-Catherine... Il tout prend racine. Exactement, Claudie, t'as bien appris la leçon. Donc, si vous voulez, vous appelez au 04 90 62 01 02. Et là, ben, on vous délivrera un arbre que vous planterez chez vous, avec le terreau et le tuteur. Et le jardinier? Non. Ah, mince. Ah ben non. Dommage. Donc, je précise que le 04 90 62 01 02, c'est la mairie, hein, c'est le téléphone de la mairie, et que c'est ouvert aux locataires, aux propriétaires d'Alten et Palu, et c'est pour le 25 novembre. C'est une bonne initiative. Oui. Parce que tu as précisé tout à l'heure que quand on plantait des arbres, ça empêchait... Ça pompe des inondations, 80% d'eau. Très bien. Puis ça nous envoie de l'oxygène. Ben, hein. Tout à fait. Puis en c'est plus. Décoratif. Puis j'aime la verdure. Vous voulez, ouais. Monsieur, là, il a mis le micro. Je ne sais pas s'il est ouvert ou pas. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, mon micro. Il ne voit pas. Le micro, il voulait dire quelque chose. Ah, très bien. Qu'est-ce que tu voulais lui faire dire? Non, s'il a quelque chose à rajouter par rapport aux arbres. Ben, par rapport aux arbres, les arbres, c'est la vie au bord d'une rivière. Ils vont réguler par la fonction. Chlorophylle, ils vont réguler le niveau d'oxygène, ils vont réguler la pousse des herbes en fond de rivière, et en même temps, leurs racines en bord de rivière vont tenir les bords et éviter que le cours d'eau s'élargisse. Et lorsque le cours d'eau s'élargit, le courant diminue, est moins fort, et la vitesse de sédimentation est plus grande, et vous retrouvez avec des fonds qui sont colmatés par des limons et autres. Donc il faut planter des arbres, et en plus c'est un refuge dans les racines, c'est des refuges pour les poissons. Ah, très bien. Merci refuge pour toute pour les cette poissons. Information. Très bien. Je savais qu'il y a quelque chose d'intéressant. Bon, mais moi je vous amène à la salle des fêtes de Sorgue, où a lieu la foire au Santon. Alors c'est dimanche, samedi 19, de 9h à 19h, et dimanche 20, de 9h à 18h. Ça finit un peu plus tôt le dimanche. Hein. Voilà, c'est la foire au Santon et artisanat qui remporte chaque année un immense succès. De nombreux santons, non. Oui, il y a des santons, mais il y a des santonniers aussi. Et artisans seront présents. C'est la 25e foire. Donc, c'est que ça a du succès. Hein, c'est la 25e. Alors, si les visiteurs sont intéressés, ils pourront trouver des cadeaux, des santons, de la déco, Donc, des santons pour les crèches. Il y aura des chants provençaux et des défilés de santons vivants. Ah ben, dans les... Tu toi, t'es dans les santons, moi je vais dans les crèches. Attends, je donne vas-y, le... Claudie, peut-être excuse-moi. Le... L'entrée est libre, et c'est à la salle des fêtes avenue Pablo Picasso, donc à Song. Le téléphone, c'est 04 90 39 71 23, 04 90 39 71 23. Voilà, c'est dit. Bah, il y a les santons, et pour les... dans les santons, on les met dans les crèches. Donc, il y a 300... si vous voulez, après je pourrais... Oui, il y a la pause après. Il y a 300 crèches à visiter sur Grignan, si vous voulez. Route de Valréas, à la Petite Tuilerie. Mmh. Et vous avez aussi un téléphone 04 75 46 91 68 au www.villageminiature-miniature.fr. Et c'est jusqu'au 5 février, 300 crèches. Et ça se passe où? À Grignan, à la Route de Valréas, la Petite Tuilerie. D'accord. Il y a 5 continents aussi de représenter. Très bien. Allez, on fait une pause. FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Tout a commencé l'autre jour en sortant de ma douche. Champ de vision qui se bouche, des accents de bonne touche. Comme une odeur de sapin, funeste fait sous d'indices. Ce n'est pas encore la fin, mais j'en sens les prémices. Envie de chanter des sonnets, des cantiques habités. Mais la magie est à quelle génialité. Pas de répit pour ma peine, je décède chaque fois. Qu'une feuille vierge étaye ce sinistre constat. Persona non grata, ma plume ne va plus de moi. Persona non grata, page blanche du trépas. Persona non grata, pour qui donc sonne ce glas. Persona non grata, me reprendre je dois. Où soupe c'est pour l'emploi. Me reprendre je dois. Peut-être je me suis trompé de mode, ok, mettons. J'ai beau retaper le code, mais personne ne répond. J'en ai parlé en haut lieu, on se mandait pour le mieux. Je suis comme un SIGA 104, mais ça les classiques sans pattes. Sera ne vois-tu rien venir, ni muse, ni supplément. Rien pour sauver mon empire, me refaire tranquillement. Mettre un terme à mon calvaire, faire le lit du salut. Gommer d'un trait ces faux airs de poète disparu. Persona non grata, ma plume ne va plus de moi. Persona non grata, page blanche du trépas. Persona non grata, pour qui donc sonne ce glas. Persona non grata, me reprendre je dois. Où soupe c'est pour l'emploi. Je l'ai trouvé, la trame rêvée du bonheur. Celle d'une mine aux abois qui ne mérite pas son auteur. Je connais bien le sujet, j'en saisis les moindres aspects. Persona non grata, c'est quand on ne veut pas de toi. Persona non grata, ma plume ne va plus de moi. Persona non grata, page blanche du trépas. Persona non grata, pour qui donc sonne ce glas. Persona non grata, me reprendre je dois. Où soupe c'est pour l'emploi. Me reprendre je dois. Où soupe c'est pour l'emploi. Me reprendre je dois. Nous voilà revenus sur Fly FM 89.9. Ben écoutez, on est bien étendu. Donc moi je vais vous parler du salon de Julie. C'est le salon de Noël qui va avoir lieu au bowling au Pontet. C'est samedi de 14h à 22h. Donc si vous n'aimez pas courir à droite à gauche, vous allez au salon de Julie, vous y trouverez jouets, chocolat, santonniers, accessoires de Noël, bijoux, savon, beauté. Savon, beauté. Et même les petits-enfants pourront... Il y a un atelier de déco. Donc, vous pouvez les laisser tranquilles. Là. Et c'est entrée libre et gratuite. Entrée libre et gratuite, voilà. Et Julie, c'est notre partenaire. Ouais. Voilà, nous aurons nos... Comment ça s'appelle ? Nos banderoles et nous-mêmes. Nous irons faire quelques photos. Allez, à toi. Alors moi, je vais parler à Monteux. Sachez que ce dimanche 20 novembre, de 11h à 17h, il y a l'association FCPE, c'est les parents d'élèves de Monteux, organise à l'école primaire Lucie Aubrac une bourse aux jouets, aux livres et matériel de périculture. C'est des emplacements à l'extérieur ou à l'intérieur. Les places sont limitées à l'intérieur. C'est 5 euros l'emplacement de 2 mètres sur 1,5 m. Réservation obligatoire, bien sûr. Vous pouvez prendre contact au 04 90 30 52 14 et sinon sur fcpemonteux@yahoo.fr. Je crois qu'on va être obligé de se quitter. Donc moi je récapitule vite l'actu de monsieur Ronze. Donc à Châteauneuf de Gadagne, c'est le 24 mai. Aura lieu au château de Gadagne. Donc Châteauneuf de Gadagne au château, c'est vous exposez ce que vos manifestations, la journée de restitution de tout ce que l'on a fait dans l'année. Voilà. Avec un diaporama, les communes intervenantes, tout ce qui s'est passé dans l'année. Voilà, et le 11 juin, c'est la grande journée. Alors, mais je m'excuse, on n'a plus le temps. Donc, rediffusion vendredi à 14h. Et la semaine prochaine, nous recevons Séverine et Stéphanie qui vont nous parler danse africaine. Et ne tuez pas votre patrimoine, respectez-le et sauvez-le. Voilà, merci mamie. Bonne journée. Merci.